DMR, t'es en pécho. Veulent te voir tomber avant même d'avoir monté l'échelle. Zéro. S'allume la nuit, c'est comme la Tour Eiffel. Waouh, waouh, waouh. Y'a le reste exposé en plein air. Je rentre si la poche est pleine. Il faut elle est comme le prince de Bel Air. Un pudding go dessert, je suis sur Paname pour le cash ou bien me taper des gigots. C'est cardio le petit tape un footing. Et je crois même qu'il est prêt pour des JO. Je rappe et le poteau au mix. Je suis dans la bouche comme du propos max. Sur la coco mise, on rachète pas ton shit car il est trop pour l'axe. On fait la livrette comme FedEx. On met la capuche pour les fédéraux. Toi tu crois que t'es lourd mais c'est lèche. Grosse boulette de shit c'est des verrés gros. T'es plus dedans comme Zazie. Des dentiers, des rebeux, des zazas. Hein. On va te mettre au sol même si t'es bien calpé comme un zuzu. Investir, je l'ai dans la teuté. Bouge, on investira sur la chaîne. Bâtard, métro, pédo, dodo. Sauf que tout ça rime avec placard. Certains hommes refusent de se plier à toute logique, qui est celle de l'argent comprise. On ne peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner, ni négocier avec. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler.